Lettre 41e. L'atelier de Monsieur Dupré, l'église des Carmes, tableau du massacre de Ferrault par Vinchon, les pêcheurs de Robert, détails sur la mort de ce peintre, réflexion sur le renouvellement de l'esprit du catholicisme en France. Nous nous sommes rendus ce matin avec une Anglaise très aimable, qui a passé une grande partie de sa vie à Paris, à la maison et à l'atelier de Monsieur Dupré, jeune artiste, qui paraissent être consacrés exclusivement à l'étude de la Grèce. Ces princes, ces paysans, ces belles femmes aux yeux étincelants et le ciel brillant qui les couvre, tout le matériel de la vie domestique des Grecs et tous les pittoresques ornements de leurs souvenirs classiques ont été représentés par ce peintre dans une suite de dessins du fini le plus parfait et qui donne de ce pays l'idée la plus complète. Je crois avoir entendu dire qu'un ouvrage de luxe qui se prépare en ce moment sur la Grèce sera ornée de lithographies faites d'après ses dessins. En sortant de la maison de M. Dupré, où se trouvait cette collection de dessins grecs, pour nous rendre à son atelier, où il eut la bonté de nous faire voir un grand tableau qu'il vient de commencer, nous entrâmes dans la fatale église des Carmes, célèbre pour avoir été la scène du plus horrible massacre de la première révolution. Un grand arbre, qui croît tout auprès, m'a été indiqué comme ayant en vain servi d'asile aux malheureux prêtres qui furent arrachés de ses branches, sabrés ou tués par douzaines à coups de fusil. 1000 terribles souvenirs sont réveillés par la vue de l'intérieur de cet édifice, ainsi que par les traditions populaires qui s'y rattachent. Il y a encore une scène, moins horrible à la vérité que le barbare massacre de tant d'ecclésiastiques en masse, mais qui pourtant l'est assez pour glacer le sang de tout autre que d'un républicain, et qui, par une circonstance assez étrange, a été, depuis la Révolution de 1830, choisi pour le sujet d'un énorme tableau de M. Vinchon. Cette toile représente une salle dans les Tuileries où, en 1793, s'assemblait la Convention nationale. La populace a envahi le lieu des séances et assassiné Ferrault qui cherchait à l'arrêter. Le moment choisi par le peintre est celui où une jeune fille appelée Aspasie Migelli s'approche du fauteuil du président, précédée de la tête du jeune homme portée sur une pique et s'enveloppant en signe de triomphe d'une partie de ses vêtements. Toute cette scène est de la plus terrible violence révolutionnaire. La notice dit que ce tableau appartient au ministre de l'Intérieur, mais je ne sais si c'est le ministre actuel ou un autre. Ce sujet avait été donné immédiatement après la Révolution de 1830, et plusieurs artistes firent des esquisses qui furent mises au concours. Un de ceux qui avaient concouru, mais qui durent céder au génie supérieur de M. Vinchon, nous dit que ce sujet avait été proposé dans un moment où l'on pensait qu'il serait populaire, soit à cause de la fermeté avec laquelle Boissy d'Anglas conserva la possession du fauteuil de président dont il s'était emparé, soit par l'admiration que devait inspirer la femme énergique qui avait aidé aux assassins. Quoi qu'il en fût, le jeune artiste nous assura que toute la popularité du sujet était passée et qu'un ordre pareil ne serait plus donné aujourd'hui. Me retrouvant de nouveau occupé de tableaux, je ne dois pas en passer sous silence un admirable qui est maintenant exposé à la mairie du 2e arrondissement. Il a été peint par l'infortuné Léopold Robert, qui s'est tué à Venise presque immédiatement après l'avoir achevé. Il représente une troupe de pêcheurs italiens, et il y a dans ce tableau des parties qui égalent tout ce qu'a jamais produit de mieux le pinceau d'aucun artiste moderne. J'aurais éprouvé un plaisir extrême à contempler ce travail, si le peintre avait été encore en vie et eut par conséquent donné l'espoir de perfectionner encore son talent. Mais l'histoire que l'on vient de me raconter a mêlé une sensation fort pénible à la satisfaction que je ressentais. On m'a dit que ce jeune homme était d'une tournure d'esprit très religieuse et très méditative, mais il était protestant. Sa sœur, au contraire, à laquelle il était fort attaché, était catholique et venait depuis peu de prendre le voile. Son affection pour son frère était si grande qu'elle se sentit on ne saurait plus malheureuse par l'idée du danger que lui faisait courir son hérésie, et elle commença, par amitié pour lui, à lui faire subir une persécution qui ne le convertit point, mais qui jeta son âme dans un tel labyrinthe de chagrin et d'incertitude que sa raison s'égara et qu'il finit par commettre un suicide. Ce charmant tableau est exposé au profit des pauvres, d'après le désir exprimé par l'infortunée religieuse de qui l'on ajoute que le fanatisme est si ardent qu'elle n'exprime qu'un seul regret, celui que son frère n'ait pas retardé son suicide jusqu'à ce qu'elle eût assuré le salut de sa propre âme en persécutant un peu plus encore son frère. C'est une chose bien singulière et qui, dans les tristes circonstances où nous nous trouvons, ne laisse pas d'être un peu alarmante, que d'examiner la pieuse et vigoureuse sève que dans son automne développe la religion catholique et qu'avec un peu d'attention il est impossible de ne pas reconnaître en France. Si nous maintenions sacrée notre religion nationale, défendue comme elle l'a été jusqu'à présent, par notre amour et par nos lois, contre toute attaque, soit du pape, soit de M. O'Connell, ce serait avec plaisir que je verrais la France sortant de son long accès de fièvre irreligieuse, et je m'en réjouirais avec un esprit chrétien, car elle en sera incontestablement plus heureuse. Mais le clergé catholique montre une activité régénérée qui, dans les circonstances actuelles, doit inspirer à un protestant une inquiétude involontaire, et je vous déclare que je ne passe jamais sous la fameuse fenêtre du Louvre, d'où Charles IX, de sa main royale et catholique, tirait, dit-on, des coups de fusil aux Huguenots, sans me dire qu'il y a certaines fenêtres à Whitehall, déjà célèbres dans l'histoire par une scène d'horreur, qui pourraient bien servir au roi Daniel pour un but semblable. La grande influence que l'Église de Rome a depuis peu regagnée sur l'esprit du peuple a été, m'a-t-on dit, considérablement augmentée par le soin que les prêtres ont pris d'ajouter au pouvoir que leur donne la distribution des pardons et des indulgences, celui que nos prédicateurs méthodistes tirent de la crainte de l'enfer. Ils emploient le même langage qu'eux par rapport à la régénération et à la grâce. Et comme un des moyens de regagner l'empire qu'ils avaient perdu sur l'esprit humain, ils frappent aujourd'hui d'anathème toute espèce de récréation, comme si leurs ouailles se composaient d'autant d'aspirants à la sublime perfection de la trappe ou de fanatiques hurleurs sortant de la chapelle de Lady Huntington. Il est certain pourtant qu'il ne manque pas de digues pour s'opposer à ce nouveau torrent de superstition. On m'assure que les doctrinaires, considérés en masse, ne sont pas très favorables à cette espèce de faiblesse. Je me rappelle dans le temps où la grippe régnait si fort en Angleterre, une dame de la haute clique évangélique, entourée de nombreux pensionnaires, qui accouraient pour recueillir les miettes tombant de sa table et les leçons sortant de sa bouche, leur disait qu'elle savait composer une médecine très salutaire pour tous les pauvres attaqués de l'épidémie. « Je voudrais bien savoir, madame, me dit le pauvre qui me racontait ce trait, quelle différence il y a dans cette maladie entre madame C et nous. Ce qui est bon pour les pauvres n'est-il donc pas bon pour les riches ?» Il me semble que l'on pourrait faire maintenant à Paris la même question par rapport à cette médecine qu'on appelle religion. On l'administre en grande dose aux pauvres, et heureusement pour elle, il paraît que beaucoup de femmes se sont jointes à cette classe. Les docteurs des paroisses sont payés par le gouvernement. Mais, si ce que l'on m'assure est vrai, le gouvernement lui-même fait fort peu d'usage de leurs ordonnances. « C'est très bon, dit-il, pour les pauvres. » Je ne sais si cette religion magnifique et ambitieuse s'élèvera en avançant, et si, comme autrefois, elle s'emparera encore de l'esprit des grands de la terre. Il faudra quelque temps avant de découvrir ce qui en sera sous ce rapport, mais ce qui est du moins certain, c'est qu'elle ne négligera rien pour y parvenir, et si elle ne réussit point, elle pourra se consoler en disant avec La Fontaine « Et si de les gagner je n'emporte le prix, j'aurai du moins l'honneur de l'avoir entrepris. » Elle s'est déjà emparée d'un grand homme, de l'immortel Daniel, et quoique vous attachiez peut-être peu d'importance à ce fait, on ne saurait le regarder comme tout à fait sans conséquence, puisque j'ai entendu, depuis que je suis ici, ses principes religieux et son influence sur l'Angleterre cités, même dans la chair, avec un accent d'espérance et de triomphe qui m'a fait trembler. Je désirais de tout mon cœur que quelques-uns d'entre ceux qui continuent à voter avec sa perfide majorité, parce qu'ils y sont obligés, puissent entendre comme on parle ici de sa personne et de son pouvoir. S'il leur reste des cœurs anglais, ils ne pourront manquer d'y ressentir une douleur poignante.